Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Donc un nouveau titre issu de son nouvel album The Life of a Showgirl, un album donc qui reflète en énorme partie, en grande partie, en majorité, eh bien son idylle avec ce joueur de football américain très populaire d'ailleurs de l'autre côté de l'Atlantique. Ce footballeur américain donc qui s'appelle Travis Kelce. Retrouvez dès maintenant cette chronique en intégralité et en podcast sur notre page Facebook, l'application Radio Mont Blanc et radiomontblanc.fr.